Le Hêtre, par Jules de Glouvet. Qui ne le connaissait, notre vieux hêtre? Il s'élevait au milieu du carrefour, à une portée de fusil du village. On eût dit un de ces dieux antiques voués à la garde des limites. C'est lui qui souhaitait la bienvenue à l'étranger. Il disait adieu le dernier à l'habitant armé du bâton de voyage. Qui ne l'aimait? Les enfants, chaque soir, jouaient à ses pieds en quittant l'école. Au temps de la fête patronale, la jeunesse dansait à son ombre et les grands-pères fatigués venaient s'asseoir sur ses racines surplombantes en écoutant l'Angélus. Ce n'était un arbre pour personne, c'était le hêtre. Il faisait partie de la vie commune. On n'aurait pas plus compris le village sans lui que l'église sans son clocher. Beaucoup lui attribuaient une puissance bienfaisante. L'orage, grâce à lui, n'atteignait pas les maisons et son dôme épais arrêtait le mauvais vent qui apporte la fièvre. Il en savait long, car son âge se comptait par siècles. Les anciens ne l'avaient pas vu grandir, leurs nourrices pas davantage. Les hommes passaient, ils demeuraient. Eux avec des cheveux blancs, lui toujours couronné de verdure. Leur histoire d'un jour ne pesait pas un grain de sable à côté de sa légende. C'était comme l'heure présente en face de l'éternité. Un respect superstitieux s'attachait au être. Non qu'il fût beau. De longues crevasses, rides ou blessures, sillonnaient son tronc bossu. Sa cime foudroyée présentait un front desséché. Mais le printemps rayonnait sur le centenaire et ne laissait à cette vieillesse que sa majesté. Un manteau de lierre s'étalait sur les plaies séniles. Autour du sommet noirci, les ramées voisines enlaçaient leurs guirlandes. Au-dessus du chemin, les branches s'allongeaient solennellement comme pour bénir. Toujours fécond, le vieillard, sans cesse rajeuni, secouait aux quatre vents ses faines mûrissantes et le soleil jeté sur ses brindilles l'éclat radieux d'un sourire. Sa simplicité grandiose imposait. On sentait en lui le maître qui protège. C'est que l'arbre est supérieur à l'homme. Le nain s'agite en vain devant le géant. Ses feuilles voient plus loin que nos yeux. La brise qui l'instruit vient de partout. Tandis que les passions rapetissent l'un, la sève robuste élève l'autre. Le premier s'en va avant qu'ait sonné l'heure de la sagesse. Le second garde en lui les leçons du temps. L'arbre n'a jamais besoin de l'homme, et l'homme ne cesse pas de demander secours à l'arbre. Depuis l'âge où il faut le bois d'un berceau, jusqu'à l'instant où il s'endort entre les quatre planches d'un cercueil. Le hêtre du village a subi, dit-on, les railleries d'un savant. « Je suis un roi, criait celui-ci, et tu n'es qu'une chose. » Le hêtre a répondu. Il laissa l'orgueilleux se poser près de lui et ouvrit son in-folio gros de sciences humaines et se contenta de jeter sur lui une menue branche morte, pas plus. Du coup, les lunettes furent brisées et l'homme ne put même déchiffrer l'idée des autres sur son papier. Un paysan qui par là passait lui demanda l'heure. Mais le fragment de bois avait dans sa chute effleuré la montre qui ne marchait plus. « Je ne sais pas, » fit le pédant. Le villageois alors étendit la main. L'arbre de ses ombres allongées marquait l'heure. Le vrai savant, c'était l'arbre. Il était bon, le vieux hêtre du carrefour. Dès qu'avril semait les premières fleurs dans l'herbe reverdie des prés, il appelait à lui les oiseaux. La senteur balsamique de ses bourgeons et la douceur de son murmure invitaient aux joies printanières. Ses ramées s'offraient aux fraîches amours. La pie maçonnait son nid grossi à la cime, le pinson tissait la mousse et le duvet sur quelques fourches invisibles. C'est là encore que la grive devançait le soleil pour éveiller au loin sa jeune couvée par des chansons et que l'écureuil poursuivait librement sa course légère. Le centenaire contemplait ses chers hôtes avec une joie sereine. Il les enveloppait et, pour leur plaire, se parait de feuilles nouvelles. L'asile était paisible. Il veillait. L'épervier ni le reptile n'en affrontaient l'approcher. Le renard savait que le hêtre défend mieux ses oisillons que l'homme ses poules, et passait outre. Les petits dénicheurs eux-mêmes le trouvaient inflexible, malgré son amour des enfants. Si quelqu'un d'entre eux tentait l'escalade, il se gonflait, rendait son écorce glissante et faisait choir l'indiscret sur l'herbe molle. Que l'entreprise de l'écolier devint plus menaçante, l'arbre aussitôt avançait une brindille aiguë, visait au pantalon, et le coupable n'avait plus qu'à fuir, cachant à grand peine le témoin de sa faute. Ses bestioles favorites le remerciaient par leurs gambades et leurs gazouillis. Il s'occupait d'elle avec tendresse, mais sans oublier ses autres amis, les chrétiens du village. Le cœur d'un père sait se partager. Il pensait à nous à toute heure. A-t-il jamais omis de hâter le réveil du pâtre indolent si les brebis allaient à la maraude? Quand un ivrogne attardé se promettait une querelle qui, mieux que notre être, le glaçait d'épouvante, entraînant des ombres au clair de lune, n'allait-il pas toujours veiller sur la vertu des filles? Bien des mères de famille l'en remerciaient tout bas, aujourd'hui, et pourraient l'attester. Pas une bachelette ne se glissait derrière les haies de coudrier, la taille serrée par un garçon amoureux, sans que ses ramets ne s'agitassent en signe d'alarme. Il tempêtait, faisait crier ses pies, au besoin attirait quelques nuages de grêle, gémissait du sommet aux racines, tant et si bien qu'à la fin l'imprudente se sentait vue, et pendant que son tentateur évitait un cloaque, retournait grand air au logis. D'autres fois, qu'un billet galant fut logé dans son tronc, il commandait au vent de l'emporter vers la mare voisine. Tous les anciens le savent et l'ont raconté. Mais s'il a toujours combattu les méchants desseins, notre arbre n'a jamais repoussé ceux qui aimaient, ceux qui souffraient. On en citerait 1000 exemples. Un suffira. Tout le monde se souvient du métayer Jean-Louis, que ceux de son temps appelaient le petit Louis, par familière accoutumance. Beau, modeste, solide à l'ouvrage, ne semant pas sa monnaie au cabaret, c'était la fleur de la jeunesse. Du riche au pauvre, chacun le louait et lui faisait fête. Aussi, quand on connut que tous les dimanches il reconduisait Étienne après vêpres, plus d'une paroissienne se sentit jalouse, et les propos marchèrent grand train au lavoir. Lui, si sage, disait-on, se coiffait d'une pareille coquette. Un garçon de bon entendement se prendre au gluau d'une écervelée. Les bonnes langues chantèrent au complet son des profondis. Il ne raisonnait pas, lui, puisqu'il était féru. Trop honnête pour croire à la traîtrise, il se livrait corps et âme à la façon de ceux qui n'aiment qu'une fois. Quant à Étiennette, son miroir consulté, elle trouvait petit Louis fort heureux et se bornait à jouir de leur présente. Après les poursuites d'usage, ils s'accordèrent, et le métayer proposa de fixer la noce à l'épiphanie. La fille, qui tenait à danser tout l'hiver sans contrainte, le renvoya à la Pentecôte. Tout contristé qu'il fût, l'amoureux se soumit et s'efforça de plaire. Elle l'accueillait bien. Nos promis s'habituèrent à venir sous le hêtre pour échanger les douces paroles. Il soupirait, elle riait. Le plus craintif, c'était lui. L'arbre n'eut pas à leur reprocher un baiser de trop. Le garçon ne songeait qu'au mariage. Prêter son ombrage à des fiancés, c'était son rôle, il s'y complut. Et lorsque les jouvenceaux gravèrent chacun un cœur sur son écorce, il inclina sa tête chenue et ses brindilles s'écartèrent largement comme les lèvres d'un aïeul qui sourit. Il venait là tous les soirs. Petit Louis n'enviait rien au paradis du bon Dieu. Puis voilà qu'un dimanche, Étiennette ne parut pas. Que voulez-vous, c'était la pluie. Une autre fois, elle manqua de parole par un beau soleil. Son explication fut toute simple, son petit frère faisait ses dents. Un peu plus tard, même absence. Ce jour-là, dit-elle, une de ses bâches avait vêlé. Entre-temps, elle semblait distraite, et sa gaieté n'allait pas sans gêne. Pauvre métayer. Encore que le hêtre lui prodigua toujours le murmure de ses feuilles et la chanson de ses oiseaux, son cœur ne battait plus de la bonne sorte. Et Étiennette ne venait plus guère, quand les voisins crièrent un jour au jeune homme triste. « Quand donc seras-tu déniaisé? Ta promise depuis 2 mois se promène avec un autre. » Être amoureux, c'est être jaloux. Il devint blême et fit le guet. Les malicieux avaient dit vrai. Étiennette avait un nouvel amoureux. Et même celui-là, connu pour son mauvais renom et son effronterie, ne se contentait pas comme Louis de parler mariage. L'abandonné fut assommé du coup. « Oh, Étiennette, à quelle folie avais-tu donc cédé pour ainsi tout perdre ?»« Non. » répondait le hêtre, la trahison de Étiennette n'étonne pas, le vice n'est jamais une énigme. Une femme comme elle ne cesse pas d'aimer qui l'aime, puisqu'elle ne saurait avoir d'autre idole qu'elle-même. Le cœur et la raison ne la dirigent pas. Elle se grise de galanterie comme l'homme de boisson, et tombe sans pensée comme lui. L'arbre avait raison. Nos ancêtres, qui mettaient censément les choses à leur place, ne faisaient point l'âme complice des curiosités maladives, et se bornait à dire qu'on avait le diable au corps. De nos jours, Les savants de Paris appellent ces choses la psychologie. C'est bien de la politesse pour l'humanité. » Le petit Louis courut se réfugier au pied du hêtre, lui reprochant avec désespoir d'avoir nourri des chimères et abrité l'imposture. Le centenaire, hélas, avait été le premier trompé. Il n'en était pas moins mari. Tout à coup, le métayer se leva, sombre et farouche. « C'est ici que j'ai cru à l'amour, » s'écria-t-il, « c'est ici que je veux mourir. » Il alla quérir une corde, revint, fit un nœud coulant et se pendit à la basse branche de son confident. Le hêtre, ainsi, servait de potence au meilleur enfant du village. Son tronc en frissonna, et deux feuilles coulèrent de son faîte sur le sol, ainsi que des larmes. « Quoi ? » gémit-il, « le petit Louis mort est damné par ma faute ?» Il n'y put consentir, et promptement cassa sa branche, le meilleur de ses membres, une part de lui. Le désespéré s'affaissa sur le tertre, et la nuit venue, l'arbre fit provision de rosée pour le ranimer. On n'essaie pas deux fois de se tuer. Le métayer s'enrôla et conduisit son chagrin au milieu des boulets de canon qui ne voulurent ni de ses bras ni de ses jambes. Et pendant qu'il courait le monde au son du tambour, Étiennette était abandonnée de son séducteur. La honte du présent lui inspirait le regret du passé. Songer à petit Louis, c'était ne plus songer à l'autre. Son orgueil l'invitait. Toujours sincère en ses mensonges, elle croyait ouïr la voix de son cœur. Quelquefois, cédant au besoin qu'éprouvent tous les infortunés de retourner en arrière, elle se réfugiait sous le hêtre et pleurait. Lorsque le petit Louis revint, son congé dans l'étui de fer blanc et les pieds poudreux, il s'arrêta devant son vieil ami, regarda l'emplacement de la branche qui s'était cassée pour son salut et dévotement ôta son chapeau. « Te voilà, te voilà !» gémit la fiancée de jeunesse en se dressant sur ses genoux. Le soldat ne put contenir un cri d'angoisse. « Étiennette ?» « Oui, c'est moi. Je suis malheureuse. Je t'attendais. Louis, j'ai trahi, mais j'étais puni. Pardonne-moi. » Tous les souvenirs du premier amour, tous les espoirs brisés, tous les élans de la compassion s'agitèrent au fond de ce cœur d'homme demeuré pur. Il ouvrit les bras pour recueillir la repentie. Mais quand le front souillé par les baisers d'un autre devint tiède sous ses lèvres, une grande terreur l'envahit. Il repoussa Étiennette, lui montra le village d'un doigt implacable, et restait seul, étreignit son cher arbre, et s'affaissa. Ô vieux être, n'est-ce pas qu'on ne saurait aimer quand on méprise ? Il n'eut ni la lâcheté du pardon, ni le soulagement de l'oubli, et revint chaque jour apporter sa douleur à l'ombre du fidèle ami. Un jour l'arbre ne le vit plus, et le lendemain se dressa tout anxieux pour découvrir la maisonnette du soldat. Mais il ne vit rien, sinon quatre laboureurs qui portaient une bière au champ de l'éternel repos. Étiennette, depuis ce jour-là, n'ose jamais passer avec ses amants devant le hêtre. La tristesse des branches la ferait rougir. Il est mort aussi, l'arbre gardien du carrefour, le protecteur du village. Les habitants que tant il aimait l'ont tué. La hache est entrée dans sa chair blanche. Les hommes l'ont abattu pour élever à sa place une guinguette. Son tronc a gémi, sa tête a rebondi dans la boue du chemin. Les sciures de long ont semé au vent sa poussière. Il n'est plus. Ses branches paternelles ont encombré des charrettes. Et l'ami, bon aux hommes même après sa mort, même après leur meurtre, a couché ses derniers membres dans leur foyer pour qu'ils eussent chaud au temps des neiges. Et quand le feu a été allumé, on a entendu un dernier craquement du bois qui disait adieu, et une langue bleuâtre s'est élevée dans l'âtre, une flamme aérienne et mystérieuse qui s'élançait en spirale. C'était l'âme du hêtre qui s'envolait. Le hêtre du village n'a jamais fait le mal. Il était bon devant la douleur et devant la mort, et la lueur divine était en lui. Peut-on dire souvent cela devant les cendres d'un homme ? C'était Le hêtre, par Jules de Glouvet.